Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément qu'on va pouvoir rebaptiser pour cette semaine l'épisode qui aurait été Tech Café s'il n'y avait pas eu cette connerie de CES. Vous avez compris, on vous a relayé toutes les infos autour du CES dans le précédent épisode de Tech Café, mais là on a finalement un contenu un petit peu plus classique qui arrive avec des infos autour de matériel informatique, d'intelligence artificielle, de politique et un petit peu de jeux vidéo. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode. Et je suis ravi aussi, surtout, évidemment, de retrouver le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Pogjaspala. Salut Guillaume. Ouais, et j'adore que cette fois, le supplément et le pas supplément soient finalement, on ne sait pas trop, parce qu'on aurait pu dire qu'on a fait un supplément CES et que celui-là, c'est le vrai épisode, on ne sait pas, on saura jamais. C'est vrai, si ça se trouve, c'est plus l'épisode classique et avant, c'était le supplément. Ah, bah à vous de nous dire ce que vous en pensez. De toute façon, je pense que j'ai passé beaucoup trop d'énergie à changer la nomenclature de ces épisodes pour espérer y trouver une quelconque logique. Donc en tout cas, on va parler de tous ces sujets, mais juste avant, je me dois évidemment de vous rappeler que vous pouvez tout simplement nous aider. Et ça, il y a plusieurs manières. Déjà, vos retours sont hyper précieux, que ce soit sur le serveur Discord de Tech Café, dans le lien figure dans les notes de l'épisode, que ce soit dans les commentaires sur techcafé.fr, avec les articles là aussi qui accompagnent la publication d'un épisode. Vous pouvez également réagir, bien entendu, sur les réseaux sociaux, faire savoir au plus grand nombre que vous aimez Tech Café et qu'il a une quelconque utilité, ne serait-ce que celle de vous divertir, ça vous pouvez le faire dans les apps de podcast ou dans la vraie vie auprès de votre entourage, auprès de vos collègues. Et puis si jamais vous voulez passer à la vitesse supérieure, vous assurer que Tech Café arrivera encore longtemps dans votre smartphone, que vous pourrez continuer à avoir une veille condensée, qualifiée, divertissante avec le ton que vous appréciez, je vous invite à aller sur patreon.com/techcafé et à rejoindre la communauté de ceux qui acceptent de nous verser quelques euros chaque mois en échange d'un flux privé du podcast sans la pub et du chapitrage des épisodes, chapitrage qui aurait été diablement pratique si vous avez voulu sauter tout ou partie des rubriques du CES de la semaine dernière ou si vous vouliez par exemple zapper la rubrique hardware de cet épisode et passer tout de suite à la rubrique intelligence artificielle, vous avez compris. Mais je n'occupe pas plus de temps de cet épisode parce qu'on a plein de choses à vous raconter, plein de choses que Guillaume Pogjaspala a collectées et qu'on va pouvoir vous partager. On commence avec une rubrique matérielle que tu avais brièvement évoquée d'ailleurs dans l'épisode de cette semaine, Guillaume. Ben oui, parce que vous vous souvenez peut-être de ce qu'on avait dit sur la GeForce 4090 quand elle était sortie. Il y avait Bauer, donc un youtubeur qui avait mesuré son efficacité énergétique en fonction de sa fréquence. Elle est hyper puissante, mais en gros, elle consomme un max. Elle consomme pas tant que ça, en fait, mais le truc, c'est qu'elle consomme... En fait, si tu veux, la puissance brute de la machine et la fréquence ne sont pas absolument proportionnelles. Enfin, ce n'est même absolument pas proportionnel. La carte était par défaut cadencée largement au-dessus de sa zone d'efficacité maximale. Alors oui, on avait plus de performance dans l'absolu, mais on était aussi nettement dans un phénomène de rendement décroissant, tu vois, par rapport à l'énergie consommée. Et ça, c'est un phénomène général. Une puce cadencée deux fois plus haut ne sera pas nécessairement deux fois plus rapide. Donc on peut se poser la même question, du coup, la même question que Darbauer, mais pour les CPU, modernes. Allons-y. D'autant plus que les hauts de gamme consomment de plus en plus, en particulier chez Intel, hein, qui ouvre carrément toutes les vannes de l'énergie là, pour consommer de la consommation pour tenir la dragée haute AMD, en termes de performance brute, si ce n'est en termes d'efficacité. Donc Anantec, lui, a entrepris de comparer en détail l'efficacité de Tenor, hein, des performances de CPU modernes, c'est-à-dire le Core i9 13900K pour Intel et le Ryzen 9 7950X pour AMD. Et les résultats sont super intéressants. Bah, c'est de très haut de gamme qui, globalement, sont dans la même catégorie de performance. Le Ryzen est un 16 cœurs 32 threads qui consomme en version stock 170 watts de base et 230 watts en turbo, et le i9 est un 24 cœurs 32 threads, un architecture hybride du coup, hein, comme l'architecture Intel, qui consomme 125 watts de base et 253 watts en turbo. Même donc, gamme de prix au passage, c'est quoi, c'est même gamme de prix, euros, oui, même près. Gamme de prix, c'est cher, c'est très cher, mais bon, c'est les i9, hein, c'est vraiment le haut du panier. Donc c'est des très grosses puces qui consomment vraiment pas mal d'énergie si on les pousse voilà, sur du transcodage, du rendu 3D ou du gaming. La question qui sont posées, c'est simple. Quelle baisse de performance on aurait si on bridait ces puces à 100 watts, 65 watts et 35 watts? Pourquoi faire ça? Ben justement parce que la baisse de performance n'est pas proportionnelle à la baisse de consommation. Et qu'en plus, les deux marques se comportent de manière très différente. Tout d'abord, brider la consommation des processeurs n'impacte aucunement les performances monothread. Hein. C'est pas étonnant, c'est des puces qui sont massivement multicœurs. Sur un cœur, tu peux pas cramer 125 watts de toute façon, donc les perfs sur un cœur ne changent pas entre 35 et 200 watts. Par contre, évidemment, c'est totalement différent quand le CPU est utilisé à plein sur tous les cœurs et tous les threads. Alors bien sûr, Nantec a fait des tests sur plein de logiciels qui donnent tous des chiffres légèrement différents, mais la tendance est toujours la même, donc je vais résumer en donnant, en l'occurrence, les chiffres du temps de rendu sous Blender, le rendu étant fait sur CPU seul, bien entendu. Donc, si on le laisse à lui-même, le Core i9, il passe tous ses 253 watts pour rendre la scène Classroom, en l'occurrence, en 558 secondes. Si on le bride à 125 watts, le temps passe à 202 secondes, et à 105 watts, 218 secondes, et à 65 watts, il passe à 279 secondes. Alors, vous remarquerez que même si les temps de rendu sont plus longs, on n'est pas du tout dans la même proportion que l'économie d'énergie qu'on fait. Entre 253 et 125 watts, c'est moitié moins, alors qu'on passe de 158 à 202 secondes, ce qui n'est certainement pas deux fois plus long. Entre 253 watts et 65, c'est presque quatre fois moins d'énergie, alors qu'on passe de 158 à 279 secondes, ce qui est très loin des 600 secondes auxquelles on aurait pu s'attendre si ça avait vraiment été proportionnel. Mais ça, c'est rien. Parce qu'il faut voir comment se comporte le Ryzen 9. Par défaut, le Ryzen 9 consomme entre 230 watts pour rendre la scène en 148 secondes. Si on le bride à 125 watts, on passe à 153 secondes. Et si on le bride à 65 watts, on est à 183 secondes. Là où d'ailleurs le i9 met 279 secondes pour le même conso. Donc la puce AMD est d'une efficacité énergétique potentiellement incroyable. Dans le cas du jeu vidéo, d'ailleurs, c'est même encore plus simple, les performances du jeu sont exactement les mêmes que le CPU soit limité à 200, 100 ou 35 watts. Les puces, en fait, les puces sont si puissantes qu'elles n'ont pas besoin de se fouler pour rendre un truc fluide. Donc, si on résume par les performances relatives à la consommation stock, les fréquences constructeurs, c'est quand même assez dingue. Dans le cas d'Intel, divisé par 2 la consommation offre 78% des performances maximales. Et si tu divises par 4, tu en as 56%. Le meilleur compromis, ça se situe à 105 watts, où on est à 72% des performances max pour 2,5 fois moins de consommation. Mais pour le Ryzen, ça devient absurde. La puce donne à 125 watts 96% de ses perfs maximales. Et elle conserve 81% de ses perfs à 65 watts. C'est incroyable. 80% des performances en consommant 2,5 fois moins. C'est du délire. Donc si on doit résumer, les deux processeurs gagnent énormément en efficacité énergétique à être bridés à des consommations qui sont largement inférieures aux valeurs maximales. Leur rendement est extrêmement mauvais au-dessus de 125 watts, en particulier chez AMD, parce que paradoxalement, c'est lui qui est de très loin la meilleure efficacité énergétique. Donc lâcher les watts permet de grappiller quelques points dans tel ou tel benchmark, c'est vrai, mais d'un point de vue ingénierie, ça n'a aucun sens. Du côté Intel, et ça fait longtemps qu'on limite plus la conso des puces, et qu'on compte entièrement sur le système de refroidissement pour éviter que la puce ne surchauffe. Et il est plus ou moins obligé de le faire pour se maintenir au niveau des performances brutes, malgré un process qui est en retrait par rapport à celui de TSMC. Donc on gagne un petit peu moins à le brider, mais ça n'empêche pas qu'on se retrouve aussi dans une sorte d'impasse. Les puces sont certainement... Alors, c'est des puces qui sont très très puissantes, c'est peut-être pas des puces destinées au grand public, c'est évidemment, ce sera pas la même chose pour toutes les puces AMD et toutes les puces Intel, mais c'est quand même ahurissant de voir les extrêmes où les constructeurs sont prêts à aller pour gagner le concours des benchmarks, quoi. C'est... Et à qui la faute ? À qui la faute ? Est-ce que c'est en interne chez AMD et Intel où les instructions sont claires, c'est fournissez la plus grande perf possible ? Oui. Est-ce que c'est la faute au consommateur qui ne se base que sur des benchmarks et qui veut le meilleur graphique, la meilleure performance et qui ne regarde pas les watts ? Qu'est-ce qui... la faute selon toi ? À mon avis, à tout le monde. C'est-à-dire que globalement, c'est sûr qu'on est dans une concurrence féroce, et dans cette concurrence féroce, le moindre, pouvoir dire je suis le meilleur à tel truc, ou au moins je suis au niveau à tel truc et je suis un peu moins cher, c'est vital. Donc au niveau marketing, si tu veux, c'est évident qu'il y a, à mon avis, un gros truc là-dessus. Mais c'est quand même une surenchère assez choquante quelque part, parce que c'est quand même, on fait des beaux discours sur le développement durable, la sobriété, tout ça. Là, ça paraît complètement à côté de la plaque. Il y a un enjeu de prestige, d'aligner des perfs, quoi qu'il en coûte, mais ça montre aussi que, l'industrie, les médias, le public aussi, n'ont pas forcément la bonne mesure. Pas la bonne métrique pour mesurer les vrais progrès. Parce que consommer 100 watts de plus pour gagner 10% de performance, c'est pas un progrès. C'est ça qu'il faudrait. C'est clairement pas un progrès. Bien sûr, c'est même du gaspillage. Et quelque part, il faudrait qu'il y ait une dénonciation de tout ça, je sais pas, au travers d'un podcast, par exemple, qui Mais pourrait tiens, parler de ça. Quelle bonne idée. Enfin. En attendant, on va vous parler des barrettes de RAM, Guillaume, parce que moi, je connais depuis très longtemps les barrettes de RAM. T'en as 2, 4, 8, 16 gigas, Guillaume. Il faut peut-être sortir de ces carcans maintenant. Mais oui. C'est un truc, c'est vrai que je faisais pas vraiment gaffe finalement, mais parce qu'on est habitué à voir des tailles de 4, 8, 16. Pour les barrettes mémoire, mais c'est vrai, c'est toujours des puissances de 2. Et c'est fini. Voilà. Avec la DDR5, on aura des DIMM de 24, 48 ou 96 gigaoctets, donc pas des puissances de 2. Bon. J'ai l'impression que c'est un peu le contre-pied de l'info précédente, ça. C'est un peu de la, du rationnel là-dedans. Mais complètement, oui, parce que voilà, pourquoi changer une si belle tradition, que je dirais quand même, les constructeurs ne respectent rien. Ben, paradoxalement, c'est pour pouvoir optimiser la taille des très grosses barrettes, en particulier pour les data centers. Parce qu'à la base, la DDR5 peut utiliser des puces de 16 gigabits. Des puces en bits, hein, c'est vraiment les puces, voilà, les puces qu'on aligne, quoi. Donc bientôt, il y aura des puces de 24 gigabits. Donc 24 gigabits, ça fait 3 gigaoctets au maximum. Et on peut en caser au max 40 sur une DIM. Donc ça ferait 120 gigaoctets bruts, mais si on a de la mémoire à correction d'erreur, et avec les redondances en fait et les métadonnées, ça laisse 96 gigaoctets par DIM. Et donc si on veut aller plus loin, bah, il faut empiler les modules et faire des liaisons verticales. Les TSV, c'est plus compliqué, mais on peut aller jusqu'à 768 gigaoctets par barrette. Donc c'est vraiment, t'imagines quoi. Bah, évidemment, ça coûte très cher, mais en général, la mémoire sur les serveurs, ça coûte très cher. C'est même, ça coûtera très bientôt plus cher que, en fait, que les puces qui font les calculs. Et bon, le truc, c'est qu'évidemment, comme ça coûte très cher, des écarts de deux fois entre chaque option, bah, ça fait des gaps de prix énormes entre les options. Donc donner plus d'options, ça permet d'avoir une grille tarifaire plus homogène, avec des écarts qui soient moins violents entre les modèles, hein, puisque évidemment, il y a moins d'écarts de prix entre 67 et 96 gigaoctets, forcément, qu'entre 64 et 128. Et bon, on en avait aussi parlé, mais la quantité optimale de mémoire sur un serveur, ben, elle est fonction de la bande passante du processeur aussi. Et c'est pas nécessairement une puissance de 2, la quantité optimale de RAM, tu vois. Donc c'est plus facile d'harmoniser les deux, pour éviter bah, qu'une proportion des DIM qui soit chèrement acquise, une proportion en tout cas de la mémoire sur ces DIM qui ne soit pas ou très mal utilisée. Ouais, c'est intéressant, c'est un paradigme qu'on n'avait pas forcément identifié auparavant. Bah, du coup, c'est marrant parce qu'encore une fois, ça fait contraste avec l'info précédente. On va faire un petit tour du côté de grandes sociétés qui semblent ne pas aller forcément très très bien en ce moment. Ce ne sera pas les premières, j'ai l'impression que ce ne sera pas les dernières. C'est en l'occurrence Samsung et Amazon. Ouais, très rapidement, des petites mauvaises nouvelles pour Samsung et Amazon, ça devient un peu trop habituel. Samsung annonce une baisse drastique de ses bénéfices puisqu'on passe de presque 11 milliards l'an dernier à la même période contre 3,4 aujourd'hui. Donc ça fait plus de 3 fois moins, donc ça fait mal. Et il n'y a à peu près rien qui va, en fait. Les taux d'intérêt élevés qui lui coûtent cher directement et indirectement, le ralentissement de l'économie générale, hein, puis les gens bah, qui ont de moins en moins de place pour leur smartphone haut de gamme dans le budget. Et en plus, bah, les prix de la mémoire se sont effondrés, la demande générale pour les nouveaux appareils aussi. Bon, il n'est pas le seul dans la sauce, hein. LG a rendu public un bénéfice net à faire se dresser le cheveu sur la tête, puisqu'il est en baisse de 90%. Donc tout le monde souffre, même Amazon, dont les bénéfices ont aussi baissé, qui va finalement licencier 10 000 personnes au lieu de 10 000, comme on en avait parlé précédemment. Bon, dans le cas d'Amazon, il y a aussi le phénomène d'embauche frénétique hein, qu'il y a eu pendant la période Covid, qui va beaucoup jouer aussi. Mais oui. Ouais, c'est jamais des bonnes nouvelles. Au chapitre des mauvaises nouvelles, il y a quelque chose qui m'a replongé là aussi dans mes premières années, celles où je branchais mes barrettes de RAM sur mes PC. Il fallait aussi s'équiper d'autres choses dans sa tour Guillaume à l'époque pour avoir du bon son. C'était une carte Sound Blaster et du coup bah, il y a un petit avis de décès qui est un peu triste là-dessus. Ouais, la Sound Blaster, c'est pas du tout mon enfance, la Sound Blaster, hein, je le déplore. Alors c'est pas que je sois trop jeune pour avoir raté l'époque héroïque des Configsys et des auto-execbacks à trifouiller, pas du tout. En fait, au début, j'avais une autre carte son d'une autre marque, non compatible Sound Blaster. Et donc j'avais la frustration perpétuelle d'avoir des jeux avec lesquels la musique MIDI marchait mais pas le son digital, alors que le matos en était capable. Et qu'est-ce qu'il y a de pire? Qu'est-ce qu'il y a de pire que de voir son matériel sous-exploité, tu vois ? De savoir qu'il peut le faire, mais de le voir muet quand même. De lire dans ses yeux suppliants et pathétiques « Utilise-moi, demande-le-moi, je peux le faire, je veux le faire, mais là, toi, t'es là, t'es impuissant et tu joues avec ce maudit OPL2. Je préfère pas jouer du tout. Non, je mens, je jouais quand même. » Mais bon, voilà, toute cette amertume, tout ce fiel rentré que je déverse encore hebdomadairement, bah, ils viennent de là, c'est ça. De cette maudite Sound Blaster que tout le monde avait choisi, voilà, qui était le standard de fait du son digital dans les années 90. En 2019, 400 millions de Sound Blaster avaient été vendus, 400 millions. Mais bon, heureusement, plus tard, j'ai pu profiter de ces largesses, hein, et donc c'est réconcilié, voilà, que je peux parler de Creative Labs, cette boîte fondée en 81 par Sim Wongwu, qui l'a fait croître et qui en est resté le PDG jusqu'à sa mort précoce à 67 ans, le 4 janvier dernier. Donc le PDG de Sound Blaster est mort, et son créateur aussi. Sound Blaster, c'est le son d'une génération, littéralement, et voilà, la mort de Sim Wongwu vaut sans doute une minute de silence, mais je sais pas si c'est ce qu'il aurait voulu. je l'avais pas vu venir celle-ci. La minute de silence pour lui, effectivement, probablement que ce n'est pas ce qu'il aurait voulu. Une autre tendance matérielle sur laquelle on va s'intéresser, Guillaume, qui va peut-être faire écho aux présentations dont on se rappelle, hein, de la barre d'Apple, avec des iPhones qui se connectent aux satellites pour nous aider à revenir du fin fond de notre randonnée paumée au plein milieu d'une montagne, c'est la connexion donc satellite qui arrivera, même si on n'a pas un iPhone, hein, Guillaume, j'ai l'impression que c'est une tendance qu'on va voir arriver partout. Oui, le téléphone satellite, c'est le nouveau dada de tout le monde. Apple a commencé avec son service d'urgence en partenaire avec Globalstar, Huawei est sur le coup avec une constellation chinoise aussi, SpaceX et d'autres veulent absolument mettre en place des satellites monstrueux compatibles 5G. Et là, c'est Qualcomm qui s'y met en partenariat avec Iridium. Cette fois, ils comptent créer des modems compatibles satellites dans les prochains smartphones qui seraient dispo dès 2023, donc dès cette année, quoi. Pour résumer, Qualcomm fait avec Iridium ce qu'Apple fait avec Globalstar. Donc il va modifier un petit peu leur puce pour permettre d'avoir sous Android un service qui va être comparable à celui d'Apple en utilisant une constellation qui existe déjà, donc celle d'Iridium. Alors, ceux qui connaissent Iridium savent bien que les téléphones de ce type sont très spécifiques, hein, qui sont des grosses antennes, qui sont équipés pour. Et un smartphone standard donc ne pourra pas téléphoner. Il pourra envoyer des signaux de détresse, pareil, comme les derniers iPhones, et dans l'avenir, moyennant sans doute un supplément sur le forfait, peut-être envoyer des messages textes, voilà, quand il n'y a aucune couverture. Téléphoner, par contre, ça devrait requérir une bien meilleure liaison avec les satellites, beaucoup plus stable, et donc ça requérera une antenne externe. Donc ça ne se fera pas, a priori. Mais bon, l'an prochain, on verra donc arriver des téléphones probablement premium, hein, avec une option satellite, aussi limitée qu'elle soit, en attendant probablement que SpaceX et AST aient fini de nous pourrir le ciel nocturne. Dommage. On va continuer à parler des processeurs, mais donc cette fois-ci un petit peu des smartphones et en particulier des architectures. Vous le savez, on parle souvent des processeurs ARM, et pour cause, hein. Mais il y a une autre tendance que tu as commencé à dessiner, Guillaume, et sur laquelle tu reviens décidément, c'est ton chouchou, c'est RISC-V, et a priori on pourrait imaginer demain, c'est fou, des smartphones Android qui fonctionneraient avec RISC-V. Et oui, c'est le moment RISC-V syndical, hein, de ce supplément. Vous avez peut-être l'impression que j'en parle tout le temps, mais je ne suis pas le seul à lui porter intérêt, puisque Google a annoncé à la RISC-V Summit, qui s'est tenue en début d'année, qu'il voulait faire de cette architecture un citoyen de première classe, hein, je cite, dans le monde Android. Donc le support actuel de RISC-V, c'est de l'ordre du prototype pour le moment, mais Google est déterminé à supporter totalement Android sur ce CPU, et à dépasser le niveau de qualité atteint sur la version Intel, ce qui est une bonne nouvelle. Et c'est pas très étonnant finalement, parce que ARM est dans une position délicate, hein. SoftBank veut s'en débarrasser, l'avenir est un peu incertain. Et puis ARM aussi, c'est un point de faiblesse pour les fabricants chinois quand même, qui sont beaucoup des gros clients, enfin, c'est quand même important. ARM est anglo-japonais, donc il est du côté de l'OTAN, donc Huawei d'ailleurs n'y a plus eu accès pendant un bon moment. La Chine va vouloir prendre ses distances évidemment et acquérir une indépendance, hein. Et RISC-V, c'est l'alternative naturelle pour ça. Donc elle a quand même plusieurs vents en poupe, cette architecture. Android sur RISC-V, c'est inévitable, et qu'il y ait des téléphones RISC-V sur Android, ça arrivera un jour, à mon avis, c'est obligatoire. Demain, peut-être pas, parce qu'il faudra quand même le temps que tout ça se développe et se stabilise, mais ça va arriver. Mmh. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de prendre ses distances, Apple, lui aussi, veut, depuis un bon moment, avoir son indépendance totale dans le domaine des puces, et on sait qu'il y a presque réussi, hein, pour l'instant, à la radio près. Donc ses relations avec Qualcomm, d'ailleurs, ne sont pas super chaleureuses, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça le saoule. Donc il travaille fort pour se lever cette épine du pied. C'est pas un secret, d'ailleurs ils ont racheté la techno modem d'Intel il y a 4 ans. Mais cette fois, Bloomberg lâche une date à laquelle ils commenceraient à utiliser leur propre puce pour toute la partie radio. Donc ce sera en 2024-2025 où ils remplaceraient les modèles Qualcomm, et 2025 pour utiliser leur propre puce Wi-Fi Bluetooth, parce que pour l'instant c'est des Broadcom qu'ils utilisent, et apparemment ils veulent aussi jeter Broadcom, pourtant j'ai pas souvenir qu'il y ait eu trop de clash, mais bon, voilà. Remarque que tout se passait bien avec Imagination Technology, jusqu'à ce qu'Apple leur dise un jour « Eh salut, on a nos propres GPU, les cartons ils sont là, la porte est là-bas ». Bon, donc voilà, ce sont pas des infos officielles, donc voilà, il faut encore que tout marche comme prévu, bien entendu, mais voilà, on tiendra au courant. C'est ambitieux, c'est beau. On va clôturer cette rubrique matérielle, Guillaume, avec vraiment, là aussi, de l'ambition, quelque chose de vraiment remarquable. Dell, alors tenez-vous bien, Dell, ils font bien, vous savez, des ordinateurs. Ils veulent plus de composants chinois, Guillaume. Oui, de toute façon, les États-Unis veulent étouffer technologiquement la Chine, hein, après avoir sévèrement limité leurs exports des semi-conducteurs. Ils commencent à faire pression sur les alliés pour faire pareil, donc le Japon en particulier. Alors le Japon reste un producteur majeur de capteurs photo et de mémoire, mais il y a aussi évidemment la Corée, patrie de Samsung, et puis là, il y a les Pays-Bas, patrie d'ASML, qui fait des grosses machines. Hein. des grosses machines industrielles qui sont indispensables pour fabriquer nos petites puces chéries. Et ça marche. ASML est interdit de vendre ses machines au dernier cri aux Chinois, ce qui ne lui fait pas particulièrement plaisir, hein, puisqu'il s'assoit sur plusieurs milliards de dollars de revenus. Mais bon, en attendant, les constructeurs américains voient tout ça, et bon, ben clairement, ils doivent faire avec ce positionnement assez radical. Ils doivent aussi prendre les devants. C'est pour ça, probablement, qu'Intel est en train de mettre en route une purge de tous les composants chinois dans ses machines. D'ici 2024, aucune partie d'une machine Intel ne viendrait plus de Chine. Ce qui est sans doute diablement difficile, hein, puisqu'il y a une myriade de morceaux dans un PC. Des morceaux qui peuvent être sous-traités à des tas de boîtes, qui peuvent elles-mêmes se fournir on ne sait où. Bon, voilà. En fait, l'info vient du Nikkei Asia. Dell confirme pour l'instant rien, sinon d'explorer toutes les possibilités de diversification de leur chaîne d'approvisionnement, n'est-ce pas, je cite. Mais bon, HP sera en train de faire pareil, et d'ailleurs HPE sera en train de vendre sa part dans la holding H3C, qui est basée en Chine, qui a pourtant de très bons résultats, donc voilà, c'est une tendance qui va prendre des années, mais oui, c'est une tendance probablement stratégique. Incroyable, ces évolutions qu'on n'aurait pas vu venir tellement c'était installé. Intéressante cette rubrique matérielle, et on va la mettre malgré tout de côté pour aborder une non moins intéressante et pourtant classique maintenant, rubrique intelligence artificielle. Guillaume, c'est sur toutes les lèvres. On continue à parler de ChatGPT et telle la calculatrice en son temps va se voir interdire dans plusieurs instances. Et oui, sujet majeur, l'intelligence artificielle, tout ça. D'ailleurs, la loi chinoise qui encadre tout contenu créé par les IA génératives, d'ailleurs, est entrée en vigueur le 10 janvier. Voilà, ce jour exceptionnel, n'est-ce pas, de la Saint-Guillaume. Très belle journée. N'est-ce pas, très très belle journée. Donc, ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir, d'ailleurs, avec cette obligation de transparence, de traçage des contenus. Et leur interdiction, si jamais ça devient trop subversif. Bon, en attendant, de notre côté de l'Oural, hein, du coup, voilà, de notre côté de l'Oural, ChatGPT se fait interdire et réinterdire. Donc d'un côté dans les écoles de New York, et de l'autre dans une conférence sur l'intelligence artificielle. Alors plus précisément, c'est l'International Conference on Machine Learning qui ne veut pas que des scientifiques s'en servent pour écrire des articles. Et on peut comprendre okay, voilà, que les gens préfèrent que les participants écrivent eux-mêmes leurs articles et fassent eux-mêmes leurs recherches. Bon, c'est peut-être plus symbolique qu'autre chose, parce que pour être honnête, en l'état actuel des choses, il est peu probable qu'un scientifique prenne le risque de laisser un modèle de langage écrire à sa place, étant donné la fiabilité douteuse hein, de ces outils pour le moment, puisque l'IA qui au kilomètre raconte régulièrement n'importe quoi. La moindre erreur peut te poursuivre toute ta carrière académique hein, quand tu es un chercheur, donc c'est quand même peu probable. Par contre, certains estiment quand même que c'est une interdiction abusive, parce qu'elle empêche aussi d'utiliser ces outils comme aide à la rédaction. Or, la recherche se fait en anglais, et ce n'est pas la langue maternelle de tout le monde. Donc si un outil peut améliorer l'anglais de certains articles, ça pourrait permettre d'améliorer leur perception, parce qu'on l'a tous expérimenté, en fait. Hein. Quand un truc est mal écrit, c'est difficile de juger le fond à sa juste valeur. La forme te donne une trop mauvaise impression, c'est un biais qu'on a tous. Donc voilà, il y a ces deux trucs-là qui sont quand même assez intéressants, effectivement, c'est un argument assez intéressant. Et puis bon, la situation est par contre différente à l'école, hein, parce que pour le coup, oui, produire un texte de niveau primaire ou tu vois, au niveau second degré, ça pose pas trop de soucis à l'IA. Puis bon, la problématique de la réputation n'est pas la même, surtout pour certains élèves qui n'en sont vraiment plus là. Donc autant pour la triche que pour la désinformation, de luxe, hein, que peut produire ChatGPT, le réseau scolaire de New York veut encadrer fermement cet usage, donc c'est une décision qu'on peut comprendre. Le temps qu'on apprenne à vivre avec, hein, d'autant que c'est un chatbot qui n'en finit pas de nous surprendre, puisqu'il sera aussi capable de coder des malwares. Alors, enfin, en tout cas, d'assister sérieusement à leur création, puisque c'est Checkpoint Research qui a remarqué des posts sur des forums de hackers où certains ont remercié carrément le logiciel pour son aide précieuse. Donc, il y a même un tuto sur comment utiliser le bot pour se faire aider bien mieux que par copilote. Et pour contourner aussi les mécanismes de défense qui sont pas bien méchants en pratique. Donc le bot va pas tout écrire de A à Z, hein, mais il est capable de créer des routines de chiffrement-déchiffrement, des bouts de macro Excel que tu peux insérer pour des trucs malicieux, des morceaux de sites web capables d'accepter des crypto-monnaies, voilà, et c'est que le début. Donc c'est vraiment, je pense que c'est une application que chez OpenAI ils avaient pas vu venir, mais c'est clairement un truc qu'il va falloir prendre en compte avant la version finale. Donc terminons quand même avec une note positive, avec une autre application qui est peut-être pas prévue, hein, de GPT, c'est sans doute, des modèles de langage en général sans doute, c'est la détection de la maladie d'Alzheimer. Très intéressant. C'est une maladie dégénérative, hein, voilà, à cause de dégénérescence cognitive, la maladie d'Alzheimer qui est très progressive et qui peut se détecter avec des signaux subtils au niveau du langage. Donc oublier certains mots ou les confondre, faire des pauses, faire des fautes grammaticales, des répétitions, ça arrive à tout le monde, mais à partir d'un certain niveau, ça peut devenir un signe. Et les modèles GPT, bon, ils produisent du texte, hein, avec des probas. Globalement, tout est affaire de probas pour lui, hein, Étant donné un texte, il peut donc donner une liste de mots les plus probables pour compléter. Hein. C'est comme ça qu'il complète, hein, en choisissant le mot suivant avec plus ou moins d'audace, hein, c'est-à-dire à quel point il va choisir le plus probable ou occasionnellement choisir un mot qui est moins probable, qui est plus surprenant. C'est sa manière d'écrire selon ce qu'on appelle la température. Et donc ça mesure, la température, ça mesure à quel point GPT va être foufou. Mais bon, d'autre part, GPT, c'est un modèle mathématique, donc il considère le texte qu'on lui donne comme un énorme vecteur, dont il se fait, et ce vecteur, c'est une représentation à lui, dans cet espace de tous les textes. Et cette représentation, elle est assez riche, elle est très très bien adaptée, et en fait, elle est utile pour comparer les textes entre eux, du coup. Donc si on compare via cette représentation les textes des patients Alzheimer et ceux de personnes saines, ben on remarque qu'on peut, on peut faire un clustering, on peut faire une catégorisation. Cette catégorisation s'avère efficace pour l'instant pour discriminer à 80% les textes qui sont produits par des gens qui ont Alzheimer des autres. Donc c'est une piste qui est prometteuse pour Alzheimer et peut-être aussi pour d'autres maladies du même type. C'est incroyable, toutes les applications et toutes les dérivées, c'est un sujet intarissable, j'ai l'impression. On continuera à vous en parler. Et c'est Bing qui va peut-être se mettre lui aussi à la tchatch, Guillaume, forcément. Et oui, vous l'aurez compris, hein, ChatGPT, ses copains et son créateur OpenAI, ils ont un petit potentiel quand même. Et Microsoft veut s'en servir d'ailleurs de ce potentiel pour taper Google, voilà, pour faire de Bing le moteur de recherche number one, pour péter la tête à Google, tout simplement. Donc c'est ambitieux. Ça a toujours été le rêve humide de Bing, mais là, ben ça pourrait se réaliser, hein, si Bing devient un outil de science-fiction qui répond en langage naturel, tu lui parles comme si tu parlais à quelqu'un et il te répond comme s'il était quelqu'un, c'est évidemment, ça changerait peut-être un peu la donne. Et donc, ouais, on risque de voir un petit peu arriver tout ça bientôt, puisque si on en croit The Information, une version turbo GTI de Bing avec ChatGPT sous le capot pourrait arriver fin mars. Donc Microsoft est déjà d'ailleurs un gros actionnaire d'OpenAI qui crée ChatGPT, qui pourrait, à force de sortir des modèles foufou comme ça et de les monétiser, devenir une très grosse boîte, voire une des plus grosses boîtes du paysage tech. Pour l'instant, OpenAI pèserait déjà 29 milliards de dollars. Il est évalué par le Wall Street Journal à 29 milliards de dollars. Et d'après Reuters, Microsoft voudrait encore rajouter 10 milliards de plus à son investissement initial. Bon, en échange, Microsoft veut des garanties, il récupérait 75% des profits d'OpenAI jusqu'à son investissement initial, et ensuite il serait actionnaire à 49% des parts d'OpenAI. Bon, honnêtement, parti comme c'est parti, OpenAI commence à ressembler de plus en plus à la division IA de Microsoft, hein, comme DeepMind, elle est un petit peu pour Google, ou le FAIR pour Meta. C'est pas la même chose, mais c'est vrai que si ça continue comme ça, on se demande. Alors, on verra évidemment comment ça évolue, on sait pas encore à quel point OpenAI réussira bien à se monétiser, ou à quel point il va encore grossir et attirer encore d'autres investisseurs, tu vois, on ne sait pas. Mais manifestement, c'est un futur poids lourd. C'est incroyable ce petit changement. J'aurais imaginé qu'il aurait fallu des choses beaucoup plus conséquentes pour faire vaciller un géant comme Google. Alors, on n'est pas en train de dire qu'il vacille sur la recherche. Hein. C'est pas fait, voilà, c'est important de rappeler. T'inquiète pas. Exactement, et ils ont du matos, et puis quand il va falloir répondre, ils vont pouvoir le faire. Malgré tout, c'est intéressant de voir cette petite fenêtre stratégique de la part de Microsoft qui pourrait un petit peu basculer ou en tout cas tenter de faire un petit peu infléchir l'équilibre en sa faveur. C'est intéressant, peut-être le premier qui va dégainer aura quelques points d'avance et en matière d'intelligence artificielle et c'est sur ces sujets-là, on voit que ça avance très très très vite. On continue, Guillaume, avec du désert médical. Ben, on parlait de DeepMind, d'ailleurs, là, on l'évoquait. Ben, c'est vrai que dernièrement, c'est OpenAI qui vole un peu le show aux autres labos, mais il y a quand même des innovations aussi de leur côté, et en l'occurrence, côté santé, ils viennent de publier les résultats sur un truc qui s'appelle MetPalm, qui est un chatbot, mais c'est un chatbot tout bib. Alors MetPalm, c'est basé sur Palm, et Palm est un modèle de langage qui fait 540 milliards de paramètres, donc c'est deux fois GPT-3. Palm a été créé par Google Research, hein, par ailleurs. Et donc Palm a été fine-tuné pour la médecine pour donner Flan Palm, qui lui-même a été retuné voilà, pour donner Met Palm. Bon. Donc Met Palm, globalement, il répond à des questions médicales, et la fiabilité qu'il atteint est impressionnante, hein, puisqu'on atteint 92,6% de réponses considérées comme correctes, et 5,8% de réponses considérées comme nuisibles. Bon, oui, c'est vrai que dit comme ça, bon, les réponses nuisibles, ça fait pas envie. Mais le truc, c'est que les humains eux-mêmes sont très loin de faire 100%, puisqu'en fait, eux, ils font 92,9% de réponses correctes et 6,5% de réponses potentiellement nuisibles. Bon, globalement, c'est des résultats qui sont dangereusement proches, hein, donc MetPal, ça va quand même prometteur. Enfin, évidemment, sur les sets de questions et dans le contexte utilisé, évidemment. Il est amusant de noter d'ailleurs que Ils ont testé plusieurs tailles de modèles, en particulier un modèle avec 8 milliards de paramètres et un modèle avec 540 milliards. Et ils ont utilisé le petit modèle au début et les réponses étaient n'importe quoi. Donc oui, la taille compte vraiment beaucoup avec ces modèles. Mais après, fine-tuning, pour l'instant, ils surclassent donc la concurrence parce qu'il y en a une, évidemment, il y a BioGPT, il y a PubMedGPT, il y a Galactica aussi qui fait ce genre de trucs, ils sont tous plus petits d'ailleurs. Et voilà, donc... Attention, on n'est pas du tout en train de parler d'un généraliste virtuel non plus. Hein. Matt Palm, il est fine-tuné sur des datasets particuliers, il pourrait se gaufrer si on s'éloigne un peu du contexte dans lequel c'est utilisé. Donc, c'est un genre de news qui est toujours double tranchant. D'un côté, je suppose qu'une IA tout bib, évidemment, ce serait mieux que rien du tout, hein, que pas de tout bib du tout. De l'autre côté, évidemment, ça remplace évidemment pas une consultation, d'autant moins que là, on parle de pur langage. Il n'y a rien de visuel, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas d'auscultation, rien du tout. Mais bon, voilà, donc... N'en déplaise à Macron, hein, que ça arrangerait sans doute bien si on pouvait remplacer 90% des médecins par des IA, c'est pas encore pour demain. Mais bon, dans une certaine mesure, ça pourrait devenir un sujet quand même à un moment. Oui, tout à fait. C'est un sujet dont on entend parler d'ailleurs depuis longue date hein, dans Tech Café. Et après, c'est rigolo de voir qu'avec les évolutions de ces algorithmes, bah, la continue d'autant plus à se poser. Mais oui, je pense qu'on ne résoudra pas le problème de manque de médecins en France avec des IA cette année. Peut-être l'année d'après, va savoir. Chez Apple, en tout cas, il y a, et c'est assez intéressant à suivre, de l'intégration de... Alors, tu vas nous le décrire pour son service d'audiobook. Il va se baser sur de l'intelligence artificielle. Et c'est assez remarquable parce que Apple, moi, ça reste encore dans mon esprit, aujourd'hui, la boîte qui vantait les traitements humains. Alors oui, OK, les smartphones et les iPhones sont pétris d'algorithmes d'intelligence artificielle maintenant dans leur fonctionnement. Mais malgré tout, dans les services, il y avait, tu vois, la valeur humaine de la recommandation de la musique sur Apple Music, contrairement à ces vils algorithmes Spotify qui viennent te recommander de la musique par des programmes. Là, ça change un petit peu la donne, j'ai l'impression. Ouais, il y a beaucoup de médiatisation sur l'IA en ce moment. Il y a pas mal de bruit sur les mirages et sur les chatbots. Il y a des trucs plus discrets qui montrent quand même que l'IA se fait une place partout, de manière, tu vois, même à bas bruit, c'est une lame de fond, quoi. Donc, effectivement, il y a l'exemple d'Apple qui commence la commercialisation d'audiobooks narrés par des IA. Donc, cette narration digitale, comme ils l'appellent, c'est même un service qu'ils vendent aux auteurs et aux éditeurs, censé simplifier la création d'audiobooks et d'en faire, évidemment, à moindre frais. Alors, pour le moment, il n'y a que la catégorie fiction qui est concernée. Donc, il y a deux voix, une masculine, une féminine, il y a deux autres voix en préparation, et ben voilà, c'est cool. Je veux dire, est-ce que c'est cool? Ben évidemment, les avis divergent, parce que c'est aussi moins de boulot pour les acteurs qui vivent de ces activités, même si les performances d'acteurs en viande sont encore largement meilleures que celles des acteurs IA, évidemment. Ouais. Le problème, c'est que les voix électroniques peuvent aussi être considérées comme acceptables, surtout si c'est vraiment pas cher, à la création comme à l'achat, d'ailleurs, des audiobooks. Parce que bon, alors évidemment, du coup, ben oui, voilà, le débat est ouvert. Alors pour Audible, c'est inconcevable, enfin pour l'instant, puisque leurs règles stipulent que les livres doivent être lus par des humains et voilà, pas par des IA. Attends l'année prochaine. C'est ça. Est-ce que ça va changer pour Kindle? Apparemment, c'est la même chose. A priori, il n'y a pas de livre audio fait par des IA sur Kindle. Bon, en l'ensemble comme ça, sans trop de battage. Attends, Kindle, il y a des livres audio, parce que Kindle, c'est Amazon et Audible, c'est des livres audio. Non, Kindle, c'est les livres... putain, la vache ouais. C'est les e-books d'Amazon et Audible, oui, bah... c'est les livres audio d'Amazon. Donc ah, c'est d'accord, la même boîte, oui, d'accord. Donc c'est... Ah oui, c'est la même boîte. Ah oui, putain. Oui, c'est... tout ça appartient à Amazon. Ah, Amazon possède tout. Tout ce qui n'est... et bientôt, tout court. Oui, oui. donc en gros, en lançant comme ça, sans trop de battage, le livre audio IA, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, ben, ouais. Apple crée une sorte de précédent, quoi, tu vois. Et puis il va évidemment alimenter le débat déjà vif sur les IA voleuses de job, et d'ailleurs, bon ben voilà, si on parle de débat, il y a aussi le débat sur les droits d'auteur, et Adobe ne va pas se faire que des amis avec sa nouvelle politique d'analyse de contenu, puisque par défaut, à moins d'un non-consentement explicite, tout le contenu stocké sur le cloud d'Adobe se pourra être utilisé par les ingénieurs de la maison pour développer les futurs outils dont on soupçonne qu'ils pourraient être évidemment largement dopés à l'IA. C'est un peu obligatoire, hein, vu la puissance des outils Nvidia, ou Midjourney, ou Stable Diffusion et compagnie. Il y a tellement de choses à dire sur ces algorithmes d'intelligence artificielle. Bon, on va continuer à vous en parler de toute façon. On va quand même le mettre de côté parce qu'on va pas faire un épisode à rallonge non plus. Mais on a aussi des petits sujets politiques. Alors, on change de rubrique ensemble. Mais on continue à parler d'algorithmes, Guillaume, avec de la reconnaissance. Ouais, pendant ce temps, les algos de reconnaissance faciale, bah, c'est devenu complètement banal, du coup, tu vois. Et la super surveillance qu'ils impliquent, ça se répand et ça s'aggrave toujours plus, quoi. Tout ça, malgré, évidemment, plein d'alertes, de protestations, de plein d'associations, mais bon, apparemment, ça fait que dalle. Encore la semaine dernière, il y a un homme qui a été arrêté sur la seule base d'une reconnaissance faciale. Le souci, bah, c'est que c'était pas lui. Il a fallu une semaine complète aux forces de l'ordre, hein, pour se décider à libérer. Alors qu'il clamait qu'il avait rien mis, qu'il avait rien fait, qu'il avait jamais mis les pieds en Louisiane, là où il y a eu lieu le vol, qu'il avait un grain de beauté et pas le suspect, et qu'il avait surtout 20 kilos de moins que le suspect. C'est quand même préoccupant aussi quand les outils puissants comme ça sont pas du côté, disons, de l'éthique, on va dire. Parce qu'aux États-Unis, les propriétaires ont des soucis, tu vois, et dans certains quartiers, ils peuvent pas monter les loyers comme ils veulent. À moins de virer les occupants, qui ont droit à des aides ou de requalifier les appartements, mais il faut virer le locataire aussi. Donc, mais voilà, pas de souci. Là où il y a un besoin, il y a un marché. Là où il y a un marché, il y a des services. Et donc, il y a désormais des services pour aider à virer ces locataires. Le principal outil, c'est une vidéosurveillance 24h sur 24 pour sniper le moindre prétexte au litige. C'est comme ça que les gens se retrouvent avec des caméras partout dans les propriétés, de la cour au parking, en passant par les couloirs, jusqu'en face de leur porte d'entrée. Pas pour les protéger, mais pour les surveiller eux, parce que c'est devenu eux le problème. C'est des services qui sont soit spécifiques, soit qui sont intégrés dans un pack de services de gestion locative, et ça se banalise. Alors bien sûr, on peut comprendre qu'un propriétaire n'ait pas envie qu'on fasse n'importe quoi dans son appart, qu'il le dégrade, tu vois, qu'il le sous-loue illégalement, ou que ça serve de point de deal. C'est légitime. Cela dit, le but affiché explicitement dans la promotion de ces services, ça reste quand même de faire plus de fric, en augmentant les loyers là où c'est délicat. Et le nombre d'expulsions devient un argument marketing. Les mecs se vantent de plus de 600 locataires dégagés les deux dernières années. Et bien sûr, ce genre de pratique se retrouve concentré dans des zones à loyer modéré, dans des quartiers pas bien riches et qui ciblent toujours les mêmes populations, hein, qui deviennent des cibles banales d'une surveillance et d'une méfiance constantes. Partout, des rues au commerce, jusque dans leur propre résidence, sur leur propre palier. Je parle des caméras de reconnaissance faciale, il y a d'autres gadgets tech, hein, qui permettent de renforcer la surveillance, les serrures connectées, les vigiques, les détecteurs de présence, parfois même des apps sur téléphone. Et tout ça aux États-Unis pour le moment. J'ose espérer que voilà, on n'arrivera pas à ce point ici, parce que tout ça, c'est avec nos techs actuels et nos systèmes IA finalement assez basiques, voire primitifs, comparé à ce qui se prépare pour la prochaine décennie, peut-être sans doute avant. Donc là, cyberpunk, nous voilà. Hein. Effectivement, s'il y a matière à se poser plein de questions dans les détails. On va repartir sur nos émeutes du 6 janvier aux États-Unis dans l'épisode, j'ose pas parler de l'épisode hebdomadaire de Tech Café, en intro en tout cas, dans le précédent épisode de Tech Café, on a parlé un petit peu brièvement de ce qui s'est passé au Brésil. Là, on revient un petit peu sur l'enquête qui continue à se dérouler sur ce qui s'est passé aux États-Unis en janvier 2021, Guillaume. 2021, pardon. Ah. Je crois. Donc, le sujet précédent, effectivement, on vient de parler, il est issu d'un long article de Vice, donc si ça vous intéresse. Et pour continuer sur un petit peu sur le même thème, il y a un autre long article de i3e Spectrum, cette fois, qui revient sur cette enquête, effectivement, qui fait suite aux émeutes du 6 janvier 2021, hein, et la prise du Capitole par les Trumpistes. Bon, l'article est très détaillé, et il montre comment la police a remonté la piste de centaines de suspects, en agrégeant et en analysant des centaines de milliers de traces numériques. Et en soi, il n'y a rien de formidablement nouveau. On cherche et on scanne des photos sur des messages aussi sur les réseaux sociaux. C'est les deux tiers des preuves récoltées et utilisées en cours d'ailleurs. Et au passage, on y constate encore une fois l'importance de Facebook pour les émeutiers, hein, puisque bon, ils dominent de la tête, des épaules, du scrotum, des genoux, tout le reste des réseaux. Par leur lui-même est presque 10 fois moins cité que Facebook. Le deuxième réseau, c'est Instagram, et le troisième, c'est Twitter, et il a une prévalence 4 fois moindre. Donc, la police a eu aussi recours à des historiques de paiement sur PayPal ou Venmo pour retracer la présence de gars qui, par exemple, ont commandé une pizza à certains endroits la veille de l'émeute. Ils ont utilisé des historiques d'achat Amazon pour trouver des tenues portées le jour de la prise du Capitole. Ils ont fouillé des historiques de navigation directement sur les téléphones parfois. Ils ont même exhumé des fichiers effacés avec des outils spécifiques, puisqu'il y a pas mal de gens qui pensent qu'il suffit d'un delete, hein, pour être blanchi comme ça. Malheureusement, c'est faux, hein. Effacer un fichier, ça l'efface pas vraiment, à moins de réécrire par-dessus explicitement, ce qui est plus long, plus complexe. Et d'ordinaire, on le fait pas, hein. Donc on peut retrouver retrouver pas mal de trucs assez facilement. Et en plus de ça, il y a les enregistrements des caméras de sécurité, les dashcams, bien sûr, la localisation des appels GSM, le gros filet du geofencing, qui est une pratique controversée, hein, qui consiste à définir un périmètre et à demander à des prestataires, donc par exemple Google, de donner des infos sur toutes les personnes qui se trouvaient là à un moment donné. D'ailleurs, c'est plus un filet, c'est un chalut. Puisque ça prend d'ailleurs inévitablement plein d'innocents, hein. Le FF est farouchement contre. Il reste que ces outils technologiques, cet outil technologique, c'est celui qui a été, c'est le principal en fait, qui a été utilisé pour les enquêtes du 6 janvier, c'est le numéro 1. Parce qu'il y a un article, il y a un camembert avec les proportions des différents outils tech qui a été utilisé contre les suspects. Et ouais, c'est vrai que bon, si tu cumules tout, geofencing, IA, caméra, appel GSM, YouTube, réseaux sociaux, moyens de paiement, et pour couronner le tout, l'enquête indépendante qui a été menée sur les internautes, hein, qui a été menée par les internautes, pardon, sur Internet, qui se sont organisés pour identifier les émeutiers, ben ça fait vraiment beaucoup. Alors c'est du boulot, mais c'est vrai que la puissance cumulée de tous ces moyens d'investigation devient presque inquiétante, parce que là, c'est utilisé du bon côté, en quelque sorte, d'un certain point de vue en tout cas. On pourrait très bien imaginer que tous ces outils soient utilisés à des fins moins humanistes. La question évidente, c'est à quel point on est trop invasif, ou à quel point il faut réguler ou interdire certaines pratiques, geofencing en tête, hein, à quel point ça affaiblit effectivement les moyens de la police, jusqu'où on est prêt à aller pour la sécurité versus la vie privée. Donc voilà, c'est forcément un sujet très très ancien, mais ça reste toujours de plus en plus, enfin c'est même de plus en plus, quand tu lis cet article, ça te saute aux yeux, que tu te dis, mais quand même, c'est incroyable ce qu'on arrive à faire et le nombre d'informations que tu peux agréger. C'est remarquable, effectivement, et tout ça est à mettre sous l'angle de la politique d'un pays, hein, de son orientation, forcément. On continue d'ailleurs à parler un petit peu de la protection, des échanges, etc., notamment mis en regard des contrôles des États, parce qu'il y a WhatsApp qui intègre une nouvelle fonctionnalité. Guillaume, sauf erreur, c'est une fonctionnalité qui existe déjà sur Signal et sur probablement d'autres outils, non ? Oui, ça existe déjà, effectivement, sur Telegram, je ne sais plus, je crois. C'est un outil de proxy, c'est-à-dire tu peux créer des proxys qui te permettent de te connecter à WhatsApp, enfin d'utiliser WhatsApp, via des relais qui sont mis en place par des bénévoles et qui te permettent de ne pas te connecter directement au serveur de WhatsApp. Et donc, du coup, si les serveurs de WhatsApp sont coupés dans un pays, évidemment, la censure du pays ne le détecte pas puisque tu ne te connectes pas directement au serveur de WhatsApp, mais à une IP inconnue qui te permet de faire le lien. Donc, c'est pas très compliqué. Donc voilà, les proxys sur WhatsApp sont arrivés. Effectivement, ça permettra de contourner la censure dans de nombreux pays, forcément. Et évidemment, hein, si jamais vous voulez vous aussi contribuer, que vous voulez héberger votre proxy... C'est Signal, pardon, c'est pas Telegram, c'est Signal, oui, t'as raison. Oui, c'est Signal qui l'a déjà. Il me semblait peut-être que Telegram avait intégré quelque chose comme ça, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Par contre, si vous voulez également héberger, mettre à disposition un proxy de votre côté pour WhatsApp, il y a aussi les solutions qui sont mises à disposition pour vous librement. Et puis, évidemment, ça n'empêche pas un gouvernement de bloquer le proxy s'il l'identifie. Encore faut-il qu'il y arrive et puis qu'il n'y ait pas d'autres proxys qui se crée, vous savez, hein, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Guillaume, la recherche scientifique serait-elle, attention, hein, tu lances un pavé dans la mare, de moins en moins innovante? Et oui, si vous écoutez Tech Café, d'abord merci, ensuite bravo. Oh, merci. Bravo, toi aussi, oui. Puisque c'est le bon choix. Et enfin, vous pouvez surtout avoir l'impression que l'innovation est en permanence, qui est foisonnante comme ça, qu'elle ne cesse d'accélérer. Et je suis au regret de vous annoncer... Ça dépend si on écoute l'épisode sur le CES, je ne sais pas. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est pas trop. Je suis au regret de vous annoncer qu'en fait, non, c'est pas le cas, et que même c'est pire que ça, le rythme de l'innovation ne cesse de baisser, qu'il est presque nul actuellement dans certains domaines. Par exemple, en sciences physiques, pour la proportion d'articles disruptifs et révolutionnaires, en fait, si vous voulez, est devenue quasiment nulle. C'est pareil en biologie, c'est à peine nul en technologie ou en sciences sociales. Et c'est la même tendance du côté des brevets. Alors, sur quoi je me base pour dire que la recherche scientifique est de moins en moins innovante? C'est un article scientifique, bien sûr. Donc c'est un article qui arrive à ses conclusions en analysant 25 millions d'articles scientifiques, donc 25 millions d'articles qui donc représentent 390 millions de citations, et aussi 3,9 millions de brevets qui font même 35 millions de citations. Et toutes ces citations sont d'une importance capitale pour la discussion, en fait, parce que avec ces quantités de données, tu t'imagines qu'il faut pouvoir trouver une métrique pour détecter et calculer automatiquement cette disruption. Alors le principe, finalement, il est assez simple, assez intuitif. Bon, admettons, j'ai créé un article révolutionnaire qui révolutionne tout sur un pan de la physique, qui jette les bases d'une nouvelle théorie. Donc ça va rendre les théories précédentes obsolètes. Du coup, les articles qui vont sortir après moi vont avoir tendance à me citer moi et à moins citer, voire beaucoup moins citer les articles qui sont sortis avant, parce que du coup, il faut une référence à des théories qu'on n'utilise plus, ou des outils qu'on n'utilise plus. Donc, à l'inverse, quand un article consolide un savoir déjà existant, les articles qu'il cite vont avoir tendance à citer aussi les articles précédents, puisque c'est dans la continuité, si tu veux. Donc un article est révolutionnaire, les articles qui le citent vont beaucoup moins citer ce qu'il précède, qui seront donc de fait obsolètes. Donc il y a une différence qu'on peut détecter. On peut tirer de ce raisonnement un indice qui est dans l'article, ils appellent CD, génial, pour Consolidating Disruptive, Consolidating versus Disruptive. Et on peut calculer cet indice pour chaque article en suivant les citations, donc en faisant une analyse des citations. Quand on fait le calcul, on voit que l'indice CD moyen en physique en 1950 était de presque 0,4. Au plus le CD est haut, au plus il y a une proportion grande de disruptives. Et aujourd'hui, il est proche de 0. Et il était de 0,4 en technologie en 1950, il doit être vers 0,05 aujourd'hui. Donc si l'indice CD ne vous convainc pas totalement, sachez que les auteurs ont publié aussi le résultat dans Nature et qu'ils ont aussi adopté une approche linguistique. Donc ils ont quantifié les occurrences de mots associés traditionnellement plus au changement et ceux plus traditionnellement associés à la continuité, à la consolidation. Et en fait, cette analyse linguistique confirme la tendance. Alors, si vous croyez que c'est à cause d'une baisse de la qualité de la recherche, c'est sans doute pas ça, parce qu'ils ont pris des articles comme dans des revues, des revues très sélectes, des revues qui sont très renommées. Enfin voilà, il n'y a pas de raison de penser que ces revues acceptent n'importe quoi. Donc, au global, parce qu'on sait à quel point ce système est un peu faillible quand même. Mais bon. Disons que c'est des grandes revues à comité de lecture, très connues, bon voilà. Alors, il est tentant d'expliquer ça en disant que tous les résultats, tout ce qui était déjà facile, si tu veux, à trouver, ou tous les résultats faciles à obtenir, tous les savoirs faciles ont déjà été trouvés, et que maintenant, c'est plus difficile. Mais c'est que modérément convaincant, parce qu'on voit que ça touche tous les domaines, avec à peu près la même intensité et à peu près sur la même période de temps. Tu vois, ça baisse, ils baissent ensemble. Les courbes se ressemblent quand même fortement. Et tout ça sur des sujets qui n'ont rien à voir, sur des domaines qui sont vraiment très éloignés. De même, c'est pas clair que ce soit parce qu'il est de plus en plus long d'acquérir suffisamment de savoir pour commencer à faire de la recherche utile dans un domaine, parce que, après tout, au plus il y a de savoir, au plus il y a matière pour réfléchir, au plus les sujets sont bétonnés, au plus ils sont aussi accessibles, etc. Par contre, ce qui est frappant, c'est que le nombre absolu de papiers qui sont très disruptifs reste à peu près le même sur toute la période. C'est-à-dire que si on ne regarde pas la proportion, mais le nombre brut de papiers révolutionnaires entre 1950 et 2010, il reste relativement stable. Il y a même un petit pic dans les années 80-90. Par contre, si on regarde le nombre absolu de papiers de faible indice CD, le nombre absolu de papiers de faible indice CD, donc qui sont faiblement disruptifs, lui, par contre, il s'envole littéralement depuis facile les années 80. Donc ça en veut proportion, dire qu'il y a un morcellement quelque part peut-être de la recherche. Non, je sais pas comment ça veut dire qu'en proportion, le nombre de papiers révolutionnaires par rapport aux papiers qui sont des consolidations de savoir existant deviennent très faibles. Ouais. D'accord. Ouais. Et c'est pas de la mauvaise volonté ou des chercheurs qui sont moins bons. L'explication privilégiée pour ces résultats, c'est pas ça. C'est pas fait un effort, c'est que le système actuel de la recherche n'encourage pas l'innovation, parce que ça implique des risques. L'innovation, ça implique de la transdisciplinarité, ça implique du temps, de l'ambition que beaucoup de chercheurs ne peuvent pas se permettre d'avoir. Parce que les chercheurs, ils ont beaucoup de responsabilités. Bon, des responsabilités administratives, des responsabilités d'enseignement. Ils ont très peu de temps et parallèlement énormément d'injonctions à la performance. Ils doivent publier très régulièrement, très fréquemment, sous peine de voir leur carrière s'essouffler, ralentir, voire s'arrêter s'ils sont pas en poste fixe. Les postes fixes qui sont d'ailleurs très chers. Dans ce cadre, c'est plus rapide, plus sûr, plus simple aussi de se surspécialiser, de creuser un sillon, plutôt que de se lancer dans des recherches qui sont plus longues, qui nécessitent plus de contacts avec plus de gens d'horizons différents, des recherches qui sont aux résultats plus incertains. Pour les auteurs, la philosophie actuelle de la recherche qui est publier ou mourir, comme on dit, étouffe l'innovation, tout simplement, et la créativité. Et ça pourrait avoir prochainement des impacts économiques importants, parce que s'il y a moins d'innovation scientifique, il y a moins d'innovation tout court en bout de chaîne. Eh ben écoute, c'est pas forcément réjouissant du coup pour l'avenir de la recherche et de la connaissance à l'échelle humaine. Peut-être que c'est un appel du pied de ta part à profondément revoir un système, mais pour le coup international, de ce que je comprends, autour de la recherche. Donc c'est ambitieux, Guillaume, c'est une dénonciation très ambitieuse. Je vais mettre un tout petit peu de contraste et aller dans des sujets bien moins importants peut-être, quoique ça dépend peut-être pour certains. Mais vous savez, on parle régulièrement de réglementation autour de l'accès au contenu, au porno en ligne. Et il est question notamment en France de permettre de verrouiller l'accès aux mineurs sur les contenus pornographiques en ligne. On a une illustration de ce qui se passe en Louisiane qui pourrait très très bien représenter ce qui pourrait arriver demain. Hein. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en Louisiane, donc les sites porno, en tout cas certains sites d'une certaine entreprise, et on imagine que tous les autres sites vont se mettre un petit peu dans la même démarche, font appel à un service tiers qui va, sur la base de votre permis de conduire là-bas, vérifier si vous êtes bien majeur. Voilà, c'est juste pour dire que le sujet avance. Moi, j'aurais pas imaginé que les solutions qui sont proposées soient suffisamment convaincantes pour qu'elles soient implémentées. A priori, si c'est le cas, en tout cas pour la Louisiane, et ça pourrait être déployé un petit peu partout, et notamment chez nous en France, évidemment, ça laisse imaginer que il suffit d'utiliser un VPN pour contourner tout ça. Donc, je trouve que vraiment la viabilité du truc est assez limitée, ou en tout cas, on prend vraiment peut-être les utilisateurs pour des neuneux, pour ne pas trouver ce type de solution. Mais on verra. Ça va être intéressant de voir justement à quel point c'est efficace. Ça sera une sorte d'expérience en vraie grandeur. Quoi. C'est pas mal. Ça a été le cas, par exemple, de la Hadopi. Hein. On a mesuré dans le temps l'efficacité et dans quelle mesure est-ce que ça portait ses fruits pour lutter contre le piratage. Là, je trouve que c'est un enjeu qui est très louable, et on va voir effectivement dans quelle mesure ça se met en application. Et je reste un petit peu aussi, alors plus précisément en France, juste parce que, en fait, ça m'a fait rigoler. Je sais pas si t'as suivi, Guillaume, l'actualité qui se passe autour de plusieurs sujets en France, des grands enjeux qui ont l'air d'être résolus assez simplement par des propositions d'app. Alors, je pense que tous anti-Covid a dû stimuler les ardeurs, mais il y a un projet un petit peu plus de fond qui est celui de la dématérialisation de la carte vitale avec une application sur smartphone qui afficherait tout simplement une espèce de QR code ou une interface NFC que les praticiens pourraient scanner. Je reconnexion, si on peut enlever une carte et puis l'avoir dans une app, peut-être que c'est un peu plus pratique. L'expérimentation en tout cas se développe et on devrait voir les choses arriver si tout se confirme d'ici peut-être 2 ans maintenant. On a une app qui a été présentée par le ministère de la Justice qui veut tout simplement ni plus ni moins que simplifier la vie des gens avec des infos pratiques, un simulateur pour des cas pratiques, un moyen de géolocaliser les professionnels. C'est quoi, c'est peut-être Google Maps qui est intégré, allez savoir, je ne sais pas. Et puis même une app pour résoudre un problème de fond très important qui est celui des chasseurs qui en arrivent à tuer des gens, ou plutôt des victimes de chasse. Si vous baladez dans des environnements qui sont trop près de chasseurs le week-end, vous risquez de vous prendre une balle, c'est de notoriété maintenant. Et là aussi, c'est la volonté de résoudre le problème avec une app. Du coup, je me posais un petit peu la question, je regardais ça avec un œil un peu sarcastique, est-ce que c'est pas un peu la solution de facilité que de proposer des apps à tout va sans profondément revoir des choses qui seraient un petit peu plus structurantes? Attends, tu préfères un numéro vert ? Alors, peut-être, finalement, je sais pas. Qu'est-ce qui vaut mieux, un numéro vert ou une app ? Je vous laisse voter dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Non, moi, ça me laisse malgré tout un petit peu songeur. On va pas développer plus que ça. Guillaume, on va plutôt parler de jeux vidéo. Il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je ne le maîtrise absolument pas, c'est celui des speedruns, donc ce phénomène qui vise à faire un jeu vidéo, si j'ai bien compris, le plus vite possible, quitte à, je pense, passer à côté du jeu vidéo en tant que tel, mais bon. Et a priori, il y a un concours pour ça, c'est ça ? Il y a le Awesome Game Done Quick qui est un concours, effectivement, de speedrun, qui est en fait une œuvre de charité, tout simplement, c'est-à-dire que les mecs font des trucs hallucinants, c'est vraiment, il faut le voir, voir s'il y a des jeux que vous connaissez, c'est vraiment marrant à voir, et donc ce genre de truc revient tous les ans, tout simplement. Donc là, cette année, c'est du 8 au 15 janvier, et ça vaut le coup d'être vu au moins une fois, je pense, évidemment, c'est une œuvre de charité aussi, donc vous pouvez donner effectivement des œuvres, donc c'est quand même un joli événement que je relaie en général, donc je relaie les dates en général quand ça arrive. Il n'y a pas grand-chose à en dire, surtout que, comme c'est le supplément, pas week-end, mais que peut-être quand même vous l'écouterez ce week-end, disons qu'il sera peut-être déjà un peu trop tard, donc il faudra un petit peu vous presser. Mais bon, que voulez-vous, s'il n'y avait pas eu le CES, on aurait pu en parler avant. Bref, je ne suis pas amer. Et donc, si tu veux, il y a eu donc ce petit sujet-là, mais après, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu aussi des trucs sur la GeForce. Alors, je n'ai pas parlé pendant l'hebdo, parce qu'on avait déjà tellement parlé de GeForce et de trucs. C'était pas forcément super, super intéressant, mais... Globalement, il y a eu plusieurs trucs aussi au CES. Il y a eu, par exemple, pendant le CES, la sortie de la 4070 Ti. La 4070 Ti qui a été testée, et je ne vais pas en dire des masses, parce qu'en fait, globalement, tout ce que j'ai dit sur la 4080 s'applique à la 4070 Ti, puisqu'en fait, elle est un petit peu moins chère, et elle est aussi un petit peu moins puissante, et elle est à peu près, le rapport performance-prix est à peu près aussi mauvais que pour une 4080 si on la compare à la 4090. Donc, c'est pas une mauvaise carte en elle-même, encore une fois, mais elle est handicapée par un prix qui est trop élevé par rapport à la baisse de performance qu'on a. Donc bon, c'est, voilà, il n'y a pas grand chose de plus à en dire, hein, je dirais. Sinon, GeForce, puisqu'on y est, on peut aussi mentionner que GeForce Now passe lui aussi la 4080, la vitesse 4080, puisque d'ici, donc ça veut dire pas mal de trucs, puisqu'avant, il y avait donc, quand vous vous abonnez à GeForce Now, il y avait un tiers 3080, maintenant c'est un tiers 4080, ce qui veut dire que vous pourrez avoir un meilleur ray tracing et que vous pourrez aussi avoir accès au DLSS 3 via le cloud gaming de Nvidia, ce qui est quand même vraiment intéressant aussi, donc bah, c'est quand même plutôt sympa, puisque pour le même prix, vous avez accès à du nouveau matériel. Donc, d'ailleurs, le GeForce Now qui arrive aussi dans les voitures, puisqu'apparemment, il y a un partenariat avec Hyundai, Polestar et d'autres constructeurs automobiles pour intégrer GeForce Now dans les voitures, dans les systèmes d'infotainment, qui permettrait donc de jouer, moyennant une bonne connexion quand même, hein, donc c'est vrai que c'est un petit peu étonnant, sur une voiture, je ne sais pas exactement à quel point c'est même crédible, en fait, pour être tout à fait honnête, mais oui, GeForce Now pourrait débarquer dans certaines voitures, donc... J'espère que vous aurez de la 5G, parce que je pense qu'une 4G, ça va être absolument dégueulasse. Donc, ça, c'est pour GeForce. Et puis, bon, bah, si je peux conclure, on peut effectivement parler de Sony, puisque, et c'était encore une news CES, donc vraiment, on s'en sort plus. Pendant le CES, c'est Sony, terminé après, promis. Sony a annoncé donc son projet Leonardo, qui est une manette accessible, donc une manette voilà, pour les gens handicapés qui ne pourraient pas jouer à des jeux vidéo sinon. Donc c'est dans l'idée complètement de ce qu'a fait Microsoft, de ce qu'a sorti Microsoft il y a déjà un bon moment hein, d'ailleurs. Donc voilà, c'est une manette PlayStation 5 qui a une forme tout à fait spécifique, hein, puisque c'est une espèce de... Donc il y a une boule, et puis ensuite il y a une espèce d'anneau comme ça, avec des boutons qui peuvent être évidemment complètement personnalisés, hein, tout ça peut être personnalisé selon les besoins de chacun. Donc projet Leonardo, bah, évidemment c'est très sympa, c'est une manette PlayStation 5, qui donc bah, évidemment permettra de rendre la PlayStation 5 plus accessible, et un autre truc qui rend la PlayStation 5 plus accessible, c'est de pouvoir l'acheter au magasin. Et jusqu'à présent, c'était pas très très très difficile, mais ça va s'améliorer. Le décembre 2022. C'était pas très très facile, mais ça va s'améliorer. Donc, décembre 2022 a été le plus gros mois pour la PlayStation 5 ever, puisque c'est vraiment vraiment énorme, puisque je crois que ils en ont vendu 30 millions. Voilà, 30 millions de consoles PlayStation 5 en décembre, ce qui est quand même absolument... Ça veut dire qu'ils en ont fabriqué 30 millions pour cette date-là, puisqu'en fait, ils vendent tout, je pense. Hein, ils en ont vendu 30 millions pour l'instant. Ouais. Et ce qui est intéressant donc de voir, la petite news, c'est juste que Sony a annoncé que c'était fini, voilà, les pénuries étaient terminées. Il allait devenir plus facile désormais d'acheter une PlayStation 5 en magasin normalement, puisqu'ils ont revu tout ça, ils ont revu leur chaîne d'approvisionnement. Et ça y est, donc, des PlayStation 5 devraient arriver par camions entiers, n'est-ce pas, dans les magasins de France, de Navarre et ailleurs. Il y a un sujet qui a fait trembler le monde de l'info de la PlayStation, c'est qu'il ne faudrait pas mettre la PlayStation 5 à la verticale, parce qu'a priori, la manière dont est refroidi le processeur fait que ça ferait couler avec le temps, si on l'utilise beaucoup, certains éléments, ça pourrait endommager les processeurs. C'est des réparateurs qui ont commencé à alerter un petit peu l'opinion sur le sujet. Bon, vous précipitez pas non plus, hein. A priori, PlayStation, Sony en tout cas, n'a pas pris la parole dans ce sens-là. Heureusement que c'est une machine très compacte où on peut placer partout et qui se fait oublier, n'est-ce pas ? C'est vrai, on peut la mettre à l'horizontale où on veut en plus, donc c'est vraiment bien. Non, bon, paniquez pas trop, hein, d'après ce qu'on a vu, il y a peut-être un sujet, et puis voilà, si vous voulez être absolument rassuré, mettez-la à l'horizontale, mais bon, paniquez pas non plus. Merci beaucoup Guillaume pour ce supplément entre guillemets de Tech Café, mais fort intéressant. J'ai évidemment passé un super moment ta compagnie, j'en apprends beaucoup, j'espère que c'est aussi votre cas pour vous qui nous écoutez, j'espère qu'on vous fait passer aussi tout simplement un bon moment, y compris ce week-end, peut-être en début de semaine, on pense bien à vous, en tout cas on vous soutient très fort. En échange, on compte sur vous pour que vous pensiez aussi à nous en interagissant tout simplement suite à la publication de cet épisode, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur techcafé.fr, en parlant à votre entourage ou en laissant un avis sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Et puis, bien évidemment, vous savez à quel point c'est précieux. Merci à toutes les personnes qui l'envisagent de nous soutenir financièrement sur patreon.com/techcafé. Toutes les infos sont sur la page d'inscription. Guillaume, est-ce que tu peux nous rappeler où on peut te retrouver ? Moi, on me retrouve devant le Awesome Game Quick, bien sûr. Je vais suivre ça de près. Le AGDQ, voilà, disent le AGDQ, c'est beaucoup. Ou le GDQ, même, c'est bien. incroyable le speedrun de Legend of Zelda Breath of the Wild, où tu vois à quel point ils savent exploiter les petits bugs, c'est génial. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr ou sur les réseaux sociaux, et puis bien entendu toujours dans ReLife, un podcast sur l'amélioration du quotidien et les développements personnels, et dans quelques jours dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.